Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1992. Au beau milieu de la bande FM, un son primal et extrêmement sophistiqué traverse mes enceintes. Le musicien signe sous pseudo Aphex Twin et le morceau s'appelle Didgeridoo, du nom d'un instrument de trance aborigène. On entend dans cette mixture sonore une vibration caverneuse surgit des entrailles de la terre ou des tripes de la machine, peut-être les deux. Un nouveau monde assurément, une naissance. Ce didgeridoo d'Aphex Twin a quelque chose de définitif et de radical. Certains journalistes distinguent cette électronique listening music de la techno des raves, ces fêtes sauvages et populaires qu'on a découvert il y a 3-4 ans en Angleterre. Comme si l'une s'écoutait et l'autre se dansait. Les autorités, dans un premier temps, ont eu une réaction extrêmement dure. Puis elles ont compris que les raves étaient en fait un exutoire bien commode pour canaliser la violence des jeunes matraqués par la politique de Thatcher. Mais l'anglais Aphex Twin vient précisément des rave parties. Et sa musique semble pousser la communion de la trance jusqu'au bout. La trance est basée sur le mode répétitif. Les mystiques répètent indéfiniment le nom de Dieu. Leur technique, vieille comme le monde, génère des vibrations internes dans le corps qui les conduisent à l'extase, sensation où l'être débarrassé du moi se sent participer à des pulsions immortelles. Litanie égale répétition, qui égale trance, qui égale extase, qui égale jouissance, qui égale Dieu. Cette génération a bien le droit à sa révolution musicale, non ? Avec le mur de Berlin, le bloc de l'Est et ses dictatures se sont effondrés. Le conservatisme est en recul. Il flotte dans l'air. Un parfum d'embellie libertaire. Les raves rassemblent tout le monde. Et avec un peu de chance, ce sera pareil en France. Ce qui compte, ce n'est pas d'être blanc ou noir. Ce n'est pas la couleur de la peau. C'est d'être soi-même. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, presque 30 ans plus tard, c'est que la distinction entre techno sauvage et techno artistique n'avait pas de sens. Une révolution musicale était bien à l'œuvre, la dernière en date, et le morceau d'Aphex Twin en offrait la synthèse. C'est l'invention de la danse mentale ou brain dance. Jean-Yves Leloup, écrivain et curateur technophile. Richard D. James, toute sa carrière a été marquée par cette utopie des rave parties, ces sonorités, parfois des gimmicks sonores qu'on sent qui sont dédiés aux entrepôts, aux résonances qui sont procurées par le béton, par le métal. Il y a une forme d'énergie dans sa musique qui fait toujours référence à ce passé de rêveur qu'il a été. C'est aussi un artiste emblématique de cette époque parce que c'est un des rares qui va réussir à convaincre la scène rock ou la presse pop. La musique électronique commence à être prise au sérieux, mais justement pas sous sa forme la plus dansante, mais sous sa forme peut-être plus introspective ou qui témoigne d'une forme de génie, entre guillemets, du compositeur et qui peut-être rassure certaines personnes. Depuis, la musique électronique a gagné en respect. Le lobbying pour sa légitimation a porté ses fruits, au point de faire jouer Daft Punk aux fanfares militaires pour le défilé du 14 juillet. L'Electronic Dance Music n'est plus seulement considérée comme une fête, mais comme une culture à part entière, avec ses codes et ses esthétiques, de la scène expérimentale à la scène ultra-commerciale. Salut, c'est David Guetta. Je vous invite pour ma soirée Big à Ibiza. Pour l'ouverture de l'Ushuaïa Beach Club avec David Guetta. Let's go. On pourrait dire que l'utopie libertaire de la rave Olution s'est égarée dans l'ultralibéralisme bétonné. Pourtant, elle perdure aujourd'hui dans de nouvelles formes de fêtes. La fête éthique, on pourrait dire aujourd'hui, qui est un peu sauvage, incarne aussi un lieu de liberté face à, certes, on pourrait dire les dérives commerciales de certaines tendances de la musique électronique, mais aussi face aux attaques continues régulières que l'on peut ressentir à travers certains politiciens, à travers les réseaux sociaux, à travers le délitement de la démocratie dans les pays qui nous entourent. Donc il y a un très grand désir, non pas de se retrouver entre soi, mais de se retrouver au sein d'une communauté qui partage des mêmes valeurs de liberté. L'utopie des rêves en cette fin des années 2010, elle est plus vivante que jamais. Elle est même revenue au goût du jour depuis le milieu des années 2010. Par exemple, en France ou à Paris, il y a énormément de fêtes clandestines, mais pas toujours clandestines, mais en tout cas qui ont cet esprit clandestin, qui ont cet attrait pour des architectures aussi singulières, que ce soit sous le périphérique, que ce soit dans des usines désaffectées. Il y a un goût, une recherche de lieux extraordinaires dans lesquels on peut se réunir et communier entre guillemets, en tout cas au son de la musique. Ce qui a changé, c'est que la musique n'est plus centrale aujourd'hui. La musique est la bande-son de cette contemporanéité, mais elle n'incarne plus exactement le futur possible, probable et souhaitable de l'art et de la musique tel qu'on pouvait le ressentir dans les années 90. Ça peut être une fête, mais ce n'est jamais qu'une fête. C'est aussi un lieu où on peut être, exister de manière totalement libre. Et ce désir d'être, il est scandé par la musique électronique, par la techno, par la house ou par d'autres courants et sous-courants. D'une révolution communautaire à une émancipation de l'être, le son du futur est devenu un présent individuel où la musique ne change pas le monde, mais offre un espace pour se rêver plus libre.